France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Delisgorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques tous les jours, à 16h, changement d'horaire encore, je le répète, pour habituer nos fidèles auditeurs. Aujourd'hui, Continent Science, bien sûr, toujours en direct de la Maison Ronde du studio numéro 1. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, nous allons parler du droit des animaux, Et nous avons comme prétexte pour aborder à nouveau cette question un ouvrage qui s'appelle tout simplement Le droit animalier et dont les auteurs sont Florence Burga, Jean-Pierre Marguenot et Jacques Leroy. Mais bien sûr, pour respecter notre habitude, tout de suite, la chronique animalière avec ça. Voilà, ça, ce sont des gorilles, tous rassemblés ensemble, et ils chantent. Ils ont des petites mélodies. Ce sont des petites mélodies, des grognements, de satisfaction, de plaisir gustatif, du plaisir de la table, des manières de table. Et pour cette chronique animalière, vous avez bien compris donc que je retiens les paisibles végétariens gorillas, le chant. Pour eux, semble être un moyen d'exprimer le contentement que leur donne leur repas et pour le chef de famille d'informer les autres qu'il est l'heure de dîner. Une nouvelle recherche a constaté que les gorilles, les mâles adultes en particulier, chantent et fredonnent fréquemment pendant qu'ils mangent. Ces fredonnements de contentement pourraient communiquer à d'autres que le dîner est toujours d'actualité et qu'il n'est pas encore le temps de partir. Les sons sont désignés par singing ou par humming, chant et fredonnement, voire bourdonnement. Ils mettent l'accent sur les éléments acoustiques composés de sons purs qui peuvent ressembler à des chants et à la musique des oiseaux, selon Eva Maria Louf de l'Institut Max Planck d'ornithologie. Les sons pourraient être comparés à notre c'est bon. Pour mieux comprendre ces chants, Luf a choisi deux populations sauvages de gorilles des plaines de l'ouest de la République du Congo. La scientifique a enregistré et analysé les chants que les gorilles de différents âges et sexes produisent en réponse à divers aliments. Luf, toujours la biologiste, a ainsi constaté que les mâles adultes produisent des sons beaucoup plus fréquemment que les femelles et que la nourriture est bonne. Plus les chants sont forts. Quant à savoir pourquoi les mâles chantent le plus en mangeant, la biologiste a remarqué qu'ils avaient en général tendance à vocaliser plus fréquemment car elle souligne que les femelles et les jeunes sont, eux, généralement beaucoup plus sous le risque de prédation et se comportent donc de façon plus tranquille, plus discrète. D'autres facteurs pourraient aussi être à l'œuvre. Les sons produits seraient trop discrets pour être des indicateurs de la présence de nourriture, pour en somme être la cloche qui signale le dîner. Selon le biologiste, ou la biologiste, pardon, il pourrait cependant représenter une forme de prise de décision collective dans le contexte du repas. Et par là, permettre aux membres du groupe de coordonner leurs activités d'alimentation. On voit ça déjà bien sûr chez les bonobos qui toujours prennent leur repas ensemble. Cela pourrait peut-être aussi aider à expliquer pourquoi les humains se partagent entre eux ce qu'ils pensent de la nourriture. Cela, toujours, de manière mélodique, non ? Donc, le rapport avec les bruits que nous émettons est pour l'instant purement anecdotique et davantage de recherches seront nécessaires pour déterminer les véritables capacités de communication des gorilles, la signification de leur chant et comment tout cela trouve un lien dans les vocalisations chez tous les primates dits supérieurs. Retenons pour l'instant calmement, gentiment, que les gorilles fredonnent et de contentement, et de plaisir, et mélodieusement en mangeant. Vous avez dit, nos cousins, écoutez cela. « croisés. Voilà, bonjour Florence Burga. Bonjour Stéphane Delisgeorge. Bonjour Jean-Pierre Marguenot. Bonjour. Vous nous entendez, vous avez vu, vous êtes évidemment loin de nous puisque vous êtes à Montpellier. Ce que vous avez entendu est les petits chants de plaisir des gorilles et maintenant ces tambourinades qui sont vraiment de la musique, hein, parce qu'il y a changement de rythme et des scansions et c'est pas un geste automatique ou d'un primate énervé, hein. J'ai tout entendu. Bon, très bien. Alors, eh bien aujourd'hui, à notre menu, si je puis dire, le droit animalier, donc cet ouvrage collectif que vous avez fait. Je vous pose d'ailleurs tout de suite la question, puisque vous êtes un professeur agrégé de droit privé et de sciences criminelles. Vous avez enseigné à l'université de Limoges. Et vous êtes aussi... le directeur d'une revue dont nous allons parler, absolument unique dans le panorama bibliographique français, qui s'appelle la revue trimestrielle de droit animalier. Qu'est-ce qui vous a d'un seul coup, vous juriste, conduit à vous occuper du droit animalier, du droit des animaux? Je vais tout le dire, je vais dénommer la chose en vrac et après on fera les séparations et les distinguos nécessaires. Ça remonte à très très longtemps puisque je suis le fils d'agriculteur du Limousin et j'ai toujours vécu depuis ma plus tendre enfance au milieu des animaux d'élevage, de compagnie, de gibier. J'étais même un peu prédestiné à parler des animaux puisque l'école primaire rurale dans laquelle j'ai appris à lire et à écrire est l'école d'un petit village qui s'appelle Bête. Donc je ne pourrais pas faire autrement. D'accord. Nous les bêtes. J'ai envie de vous poser un peu la même question, Florence Burga, puisque vous avez travaillé, vous êtes directeur de recherche dans un organisme qui s'appelle l'INRA. Et comment se sont faites les étapes? Rapidement, vous n'allez pas développer votre biographie, bien sûr, Florence Burga, mais comment vous avez fini par vous intéresser à ces questions du droit animal, au respect des animaux, à la défense des animaux, dont vous êtes maintenant un partisan ou une partisane active? Alors, bien sûr, ça, il y a un ancrage autobiographique, souvent. Bien sûr. Voilà, ce sont des images tournées dans un abattoir d'ailleurs qui m'ont amené à prendre conscience que manger de la viande c'était au fond non seulement participer à l'abattage des animaux mais aussi le cautionner. Donc ça a été une interrogation pour moi qui m'a mise d'une certaine manière en demeure, hein, de m'interroger sur ma propre alimentation carnée à laquelle j'ai donc renoncé par choix. Et j'ai, à la suite de cela, j'étais déjà engagée dans un cursus de philosophie. J'ai décidé de consacrer mon travail de philosophie à ces questions. Et j'ai commencé à m'intéresser à la question du droit en travaillant pour ma thèse de doctorat, notamment sur les quelques pages que Rousseau consacre à la question dans la préface au discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, où il pose la question de l'origine du droit, du fondement du droit, et se tourne vers la question du droit naturel. Donc c'est l'origine là de mon intérêt pour le droit. Bien sûr. Alors donc il y a plusieurs pistes ou plusieurs amorces. Donc une sensibilité à cette souffrance, une sensibilité bien sûr, et puis un intérêt strictement philosophique et même conceptuel définir les choses dans cette affaire. Alors justement, première question. Cet ouvrage est donc à six mains. C'est trois auteurs qui sont là réunis. Vous êtes la seule philosophe dans cette triade, si je puis dire. Oui. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ensemble? Parce qu'on va être obligé très rapidement à faire un distinguo assez fort, on peut peut-être même le faire dès l'abord. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la question vue du point de vue juridique et qui s'appelle le droit animalier. Et puis la question tout à fait, on va dire qu'elle est plus fondamentale au sens de fondement, d'assise, qui est la réflexion philosophique générale. Sur le droit des animaux. Sur le droit des animaux, voilà. Le droit des animaux face au droit animalier qui, lui, est formé, bien sûr, d'articles, des codes, il y en a différents, et des jurisprudences. Oui. Alors, ce qui nous a amené à travailler ensemble, c'est parce que nous avons déjà l'habitude de travailler ensemble. Donc Jean-Pierre Marguenot, qui pourrait le dire mieux que moi, a fondé en 2009 la revue semestrielle de droit animalier. Et Jacques Leroy et moi-même et d'autres collègues aussi aujourd'hui, Claire Vial, Ninon Maillard, nous occupons des différentes rubriques qui composent la revue. Donc nous avons l'habitude de travailler ensemble et nous avons pensé qu'il serait bon d'associer la réflexion philosophique à la réflexion juridique dans ce livre qui n'est donc pas composé de trois chapitres différents écrits par chacun, mais où nous avons essayé de penser vraiment une synthèse qui permette à la fois au lecteur de comprendre quel est l'esprit du droit animalier aujourd'hui et de comprendre aussi sur quel fondement s'édifie l'idée de droit des animaux. Et on peut dire que la notion de droit des animaux est embryonnaire dans le droit actuellement, dans le droit positif actuel, qui introduit certaines notions qui viennent contrarier ce que le législateur édifie. Mais enfin, on va rentrer évidemment dans tout ce détail. En tout cas, je peux faire référence à ce que dit, pourrait le faire très bien lui-même, Jean-Pierre Marguenot, qui dit que, évidemment, il lance presque un appel en disant à ses collègues juristes, à ses collègues magistrats, en disant c'est pas une plaisanterie, c'est pas une petite affaire, et donc ça doit être pris, c'est pas anecdotique, ça doit être pris au sérieux, ça doit être pris très au sérieux, puisque ça peut avoir un écho, on peut le dire tout de suite, quand on réfléchit sur les fondements du droit des animaux, évidemment on va arriver immanquablement à la question des droits inaliénables de l'homme, bien sûr. La question des droits inaliénables. Alors, on peut peut-être tout de suite d'abord mettre les choses en perspective en disant que cette préoccupation, ce souci de l'animal, cette volonté même d'abandonner une nourriture carnée, elle remonte très loin, elle remonte à l'Antiquité. On cite tout le temps, à juste titre, les pythagoriciens. Oui, et oui. On cite même Pythagore qui, voyant quelqu'un battre un chien, il lui a dit, peut-être appuyé sur la métempsycose, « Arrête de battre celui-ci parce que je reconnais dans sa voix un de mes amis chers. » Oui, d'ailleurs, il y a deux courants chez les pythagoriciens. Il y a ceux qui sont végétariens pour des raisons liées à la métempsychose. Et on peut penser que le végétarisme pythagoricien est surtout lié à la métempsychose. Et même si son nom reste attaché à un végétarisme fondé sur un principe moral. Mais dès l'Antiquité, en effet, les courants végétariens s'appuie sur l'idée qui est toujours la nôtre aujourd'hui, à savoir que les animaux étant des êtres sensibles, lorsque ma propre vie n'est pas en danger, je n'ai pas le droit de porter atteinte à cet individu. Alors, on peut peut-être là pour avancer dans le temps, je ne vais pas dire actualiser, puisqu'on va démarrer d'une certaine manière au 18e. Là, il y a deux grandes figures face à face. On peut évidemment convoquer Jean-Jacques Rousseau. Mais avant convoquons Kant, où là, la chose est très très marquée, il se caractérise par un fait absolument massif qu'on voit bien exprimé. Alors, vous avez aussi d'autres références dans votre ouvrage, mais qu'on peut voir dans la Critique du jugement, où pratiquement toute la nature est finalisée au service de l'homme. C'est le finalisme généralisé. Nous sommes dans une situation d'être tout à fait singulier, une atmosphère et un système profondément religieux, théiste, croyant, et où tout est au service, d'une certaine façon, de l'homme, n'est-ce pas ? Oui, chez Kant, évidemment, c'est énoncé de façon très forte. Hein, notamment, on peut prendre cette phrase lorsqu'il dit que le dernier progrès que fit l'homme pour s'élever tout à fait au-dessus des animaux, c'est lorsqu'il dit, bon, il reprend évidemment des notions qui sont dans la Genèse, lorsqu'il dit au mouton, la peau que tu portes, ça n'est pas pour toi que Dieu te l'a donnée, mais pour moi. Et qu'il enleva au mouton cette peau et qu'il s'en revêtit. C'est un passage extrêmement fort. Alors, on avait la même chose dans le stoïcisme, hein, en particulier donc chez Cicéron qui vulgarise les thèses stoïciennes. La totalité de la création est là au service de l'homme. Donc, toujours cette idée qui est évidemment très présente dans notre droit aujourd'hui. Alors abordons maintenant la position de Rousseau et évidemment il va avoir dès l'abord de sa réflexion sur la question du droit naturel, la situation qui est faite et plutôt quelle est la réflexion de Jean-Jacques Rousseau concernant les droits des individus, les droits de l'homme, avant d'ailleurs, qu'il soit sorti de la situation de nature même, et qu'il soit dans une situation, donc ensuite, que lui déteste, bien sûr, la situation d'homme civilisé, d'homme groupé, d'homme regroupé, puisqu'il dit que la catastrophe du Portugal, qui a fait tant de bruit et sa dispute avec Voltaire, eh bien, ne serait pas arrivée si les hommes n'avaient pas construit autant de maisons pour s'y réunir. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut définir la position en quelques termes, Florence Burga, de Rousseau? Alors, Rousseau, avec cette fiction de l'état de nature, parce que c'est quand même une fiction conceptuelle, évidemment, dans sa pensée, se demande quel est le fondement du droit. Et il dit que pour bien répondre à cette question, il ne faut pas partir de l'état social, rationnel, langagier de l'homme, puisqu'il y a déjà tout un ensemble de choses qui recouvrent sa nature première, mais qu'il faut donc se tourner vers la fiction conceptuelle de l'état de nature et regarder ce qui pouvait à l'époque être actif. Et il découvre donc deux principes très simples. Le principe de conservation de soi, qui correspond donc au fait que chaque être vivant sensible a le souci de persévérer dans son être. Le conatus de Spinoza, par exemple. Le conatus peut-être de Spinoza, en tout cas, peut-être c'est une version possible, de lecture possible. Et le principe de pitié, qui est donc, dit Rousseau, la répugnance naturelle que tout être sensible éprouve en voyant un autre être sensible massacré. Et que par conséquent, ces deux principes forment un ensemble dessine le champ d'une limite. C'est-à-dire que j'ai le droit de porter atteinte à un être sensible pour la conservation de ma vie, mais si la conservation de ma vie n'est pas en danger, alors cet individu, d'une certaine manière, a un droit contre moi. Oui. Alors avant que nous passions avec Florence Burga sur la suite de cet établissement de la réflexion sur les droits et les droits naturels et les droits naturels vis-à-vis des animaux, est-ce que je peux vous mobiliser, Jean-Pierre Marguenot, pour nous donner, mais peut-être brièvement, les linéaments rapidement du droit? Qu'est-ce qu'on peut dire concernant, donc, cette fois, les dispositions législatives vis-à-vis du droit des animaux? On sait, par exemple, qu'à la période médiévale, évidemment, il y a eu des animaux convoqués devant des tribunaux. Or, si on regarde avant la période romaine, il y avait une situation tout à fait différente vis-à-vis de l'animal. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir, mais là, en termes brefs, avant d'en venir, par exemple, à Bentham? Alors, ce que je peux retenir du début de votre conversation, c'est à quel point il est passionnant de travailler entre juriste et philosophe, puisque la manière de faire et les références ne sont pas du tout les mêmes. Florence Burga vient de citer des auteurs, des noms. Et le juriste se réfère à des articles ou à des décisions de jurisprudence dont on ne connaît même pas l'auteur. Donc c'est une manière d'articuler les grandes idées, les grands fondements philosophiques avec la réalité du droit qui présente cette particularité de pouvoir faire appel et de mobiliser la force publique pour changer des choses. Et l'évolution du droit de ce point de vue-là est tout à fait remarquable depuis un certain nombre de décennies, puisque pendant longtemps, le droit ne s'occupait des animaux que pour les détruire ou pour protéger les prérogatives de leurs propriétaires exercées sur eux. Et là, le droit ne s'est véritablement intéressé aux animaux pour eux-mêmes qu'à partir de, pour bien dire, 1959. Oui, c'est ça, il y a eu des arrêts. Je pense qu'on y reviendra d'ailleurs, peut-être en les développant. En tout cas, il y a évidemment pendant très longtemps, et d'ailleurs les choses sont aujourd'hui inchangées de ce point de vue, la considération de l'animal comme un bien meuble. On a changé... Avec quelques nuances que nous verrons, bien sûr. Je pense qu'il y a une sérieuse nuance qui a été introduite par la loi du 16 février 2015, oui, qui ne permet plus de dire que les animaux sont des biens meubles, même si les animaux sont encore soumis au régime des biens, mais ce ne sont plus tout à fait des meubles, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail, oui, tout à l'heure. Mais c'était pour un peu nuancer et marquer l'importance du changement théorique qui est intervenu il y a à peine plus d'un an. À peine plus d'un an, eh oui. Donc, on peut On peut peut-être venir dans l'actualité. Quel est votre sentiment? Vous avez l'impression, Florence Burga, puisque vous défendez quand même vraiment cette cause, on sait le succès qu'a eu, par exemple, le livre de Jonathan Foer, qui a été un best-seller mondial, où il y a la prise de défense des animaux, et en particulier, évidemment, cette sorte d'équation permanente que l'on va retrouver, qui est que on a des objets qui sont des animaux que l'on élève comme des marchandises, et que bien évidemment, le sort réservé aux animaux d'élevage est en relation absolument directe. On pourrait d'ailleurs élargir l'écran avec l'industrialisation, la marchandisation, et avec son cortège financier qui l'accompagne, hein, quand on pense à l'actualité des fermes des 1000 vaches. Vous avez l'impression que les choses avance comme ça, c'est un pur sentiment que je vous demande avant d'aborder à nouveau les auteurs, Florence Burga. Alors, je pense que les choses avancent comme elles avancent toujours concernant les grands sujets, c'est-à-dire qu'elles commencent d'abord par exister sur le plan du débat. Alors, elles existaient bien sûr sur le plan du débat scientifique, philosophique, juridique. Aujourd'hui, elles existent dans la société, ça devient un débat public. Mmh. Les médias se saisissent bien autrement qu'il y a 15 ans de la question. Et on peut dire, on reprend cette idée, que la question est sortie de la phase du ridicule où beaucoup voulaient l'enfermer. Donc on peut dire que le premier progrès, c'est déjà lorsque la question semble légitime, qu'elle est débattue et qu'il y a au moins discussion à son égard. Alors on peut peut-être tout de suite poser quelque chose qui est une revendication. Certains défendent, on peut penser par exemple à quelqu'un comme Francis Wolff, qui défend évidemment d'une certaine manière un élevage des animaux qui soit à peu près conséquent, du point de vue en tout cas de leur confort, mais qui de façon très très étonnante, essentialise des certains aspects de la culture, comme si il y avait une sorte de droit absolument fondé sur... Alors je vais prendre un exemple pour faire image, hein, on pense à la corrida, mais il y a des choses, par exemple en Espagne, où on prend un taureau, et tout le monde, avec une petite fléchette, lui tire dessus jusqu'à épuisement. La question de la tradition là, vis-à-vis de la cruauté infligée à l'animal, où on enflamme les cornes des taureaux, pour sortir des exemples que tout le monde connaît bien, qui sont le cadre de la corrida classique. Vis-à-vis de cet argument de la tradition, un petit mot, un petit commentaire ou pas, Florence? Écoutez, je trouve très inquiétant, évidemment, que certains de nos collègues défendent ces positions, évidemment. Considèrent que ce sont des données, comme vous dites, hein, y a une essentialisation de ces pratiques, comme si l'humanité ne pouvait pas s'émanciper au regard de ces activités cruelles. Et on est désarmé parce que ça n'est pas une idée à laquelle on a affaire ici. Hein. C'est vraiment l'affirmation d'un attachement à la cruauté quand elle est contre les animaux, bien sûr. Oui. Alors évidemment, il y a eu la même situation, et là les Anglais ont été premiers, puisque un des organismes, c'était la Ligue contre les sports cruels, ainsi dénommée par les Amis d'Outre-Manche, les Amis des Animaux d'Outre-Manche, et qui là était dirigé directement contre les chasses à courre, et qui a eu un certain succès. Après, ils sont venus aussi dans une attitude assez pionnière, c'est la situation des Anglo-Saxons en tout cas, souvent, de défense ensuite, donc de... les manières d'élevage et les souffrances qui les accompagnent concernant cette fois les animaux propriétés qui sont à destination de la viande découpée. Oui, on voit certains pays faire des petites avances, hein, enfin des petites, ça n'est pas petit, mais des avances dans certains domaines, interdire par exemple la chasse à courre ou ceci ou cela. Mais fondamentalement, il n'existe pas au monde un pays où la législation concernant les animaux soit véritablement respectueuse de leur existence. France Culture, Continent Science, Stéphane Deligeorge. Suite donc toujours en compagnie de Florence Burga et par téléphone de Jean-Pierre Marguenot qui est du côté de Limoges, qui est même à Limoges. Je vous propose, Florence Burga, qu'on vienne à la position, parce qu'elle va être intéressante quand on la voit rebondir chez quelqu'un comme Singer, dont on pourra dire un mot, la position de Bentham. C'est très vite, c'est une figure évidemment de philosophe utilitariste, et que donc il y a une certaine façon d'être utilitariste en étant conséquentialiste, hein, c'est simplement, et là on peut dire qu'on peut être partisan de la défense des animaux dans cet angle-là, quand on cherche à maximiser le bonheur de chacun et évidemment l'évitement de souffrance. Voilà, alors ce qu'il y a, la condition de ce principe, maximiser le bonheur du plus grand nombre, peut se faire au détriment de quelques-uns ou du petit nombre. Et c'est évidemment en accord ou en désaccord avec ce principe que on est soit du côté de l'utilitarisme et du conséquentialisme, c'est-à-dire ce qui est moralement bon, c'est la conséquence de mon action, si cette conséquence est bonne, ou bien d'un autre côté, hein, d'être déontologiste, comme les Kant par exemple, comme les Tom Regan, et dire que si on reconnaît à un individu un droit, il possède entièrement ce droit, et que son sacrifice n'est pas justifié, même s'il s'agit par ce sacrifice, par cette mise à mort, de sauver quelques individus de plus que lui. Alors, là encore, passons à la généralité. Vous avez cité Tom Regan. D'ailleurs, vous nous aviez accompagné lors d'une émission présentant son maître, sa maîtresse œuvre, son opus Maximus, si l'on peut dire, qui est vraiment un chef-d'œuvre de philosophie morale tout court. Hein. On va pas cacher nos goûts, en tout cas, et nos convictions. Si on regarde la question des enjeux philosophiques à nouveau, donc, vous dites que il y a une part à nouveau donc de réflexion sur la définition philosophique et de l'animal et de la considération de ses droits. Et vous faites le départ très net avec donc ce qui est est-ce que va exprimer Jean-Pierre Marguenot. Qu'est-ce qu'il faut rajouter maintenant pour avancer? Sur quel point de réflexion faut-il repartir? Je vous pose la question de la façon la plus ouverte. Florence Burga, je vous laisse le choix. Alors, je pense qu'il y aurait deux choses. Il y aurait bien sûr tomber d'accord sur une définition de l'animal, mais ça on peut dire qu'on est déjà assez avancé, oui. Et que le droit lui-même donne cette définition, comme l'a rappelé Jean-Pierre Marguenot. Et l'autre grand sujet qu'il va falloir explorer, c'est qu'est-ce qu'un droit? Qu'est-ce qui fonde le droit? Parce que c'est à partir de là que le partage éventuel ou l'absence de partage va se faire entre les individus, les entités auxquelles on reconnaît des droits et celles auxquelles on n'en reconnaît pas. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'il faut mobiliser Regan, par exemple? C'est une grande question et je ne veux pas mobiliser trop la parole. On a évoqué tout à l'heure la tradition du droit naturel, qui est une tradition antique, hein, déjà, mais qui a aussi ses représentants modernes, contemporains, y compris contemporains, et qui considèrent qu'il y a déjà du droit dans la nature, que ce qui régit les animaux entre eux sont déjà des règles de droit qui sont intériorisées. Et Jean-Pierre Marguenot pourra y revenir, parce que c'est une question sur laquelle il a lui-même travaillé, donc là je ne m'appesantis pas. Et il y a aussi des développements très importants chez les théoriciens du droit qui montrent que avoir un droit, c'est avoir une prétention légitime contre quelqu'un. C'est-à-dire que à partir du moment où un individu, tous les mots ont leur importance, hein, peut pâtir de l'action d'un autre, eh bien cet individu peut faire valoir justement une prétention contre cet individu qui peut lui porter atteinte. Ça, c'est évidemment un droit moral, puisque le droit positif ne reconnaît pas, en tout cas aux animaux, ce droit. C'est un droit, donc, s'il était inscrit dans la législation, qui serait un droit opposable. Donc il y a bien sûr toute une grande discussion entre les gens qui défendent l'importance des droits moraux et puis ceux au contraire qui vont estimer que les droits moraux ne sont pas véritablement des droits et que ne sont des droits que ceux que le droit, le législateur, le droit positif a reconnu. Et là, nous avons plutôt les tenants de l'humanisme juridique qui va considérer que seuls les êtres rationnels, parlants, autonomes ont des droits et que tous ceux qui sont dépourvus de ces aptitudes cognitives n'en ont pas. tandis qu'on l'a compris, l'autre bord, si je puis dire, les gens qui défendent le droit naturel, ou bien tout simplement comme Joël Feinberg, par exemple, l'idée que le droit, c'est le fait d'avoir une prétention contre quelqu'un dès lors que autrui peut me porter atteinte, et que ce droit, une image est souvent donnée, est assimilable à quelque chose comme un panneau où il aurait été écrit « défense d'entrée ». Évidemment, les défenseurs de cette conception du droit se fondent sur, on peut dire, la disposition de la sensibilité. On peut raffiner ce concept, sentient les émotions, les croyances, les désirs, etc. On peut prendre le prétexte d'ailleurs des réflexions de Marie-Angèle Hermite sur ce qu'elle estime devoir appeler la personnification substantielle à partir d'un certain nombre de dispositions légales d'ailleurs, hein, qui sont, là encore il faut ajouter la chose, parce que évidemment, pour bien préciser les choses, on a l'impression que ont des droits et ne peuvent les exprimer que... Plus exactement, ne peuvent avoir des droits que ceux qui peuvent exprimer la revendication d'un droit. Et on verra que les choses sont plus complexes. Mais en tout cas, s'intègre lentement dans le dispositif la sensibilité, mais plus encore. Et là, cette fois, ce sont des impressions de souffrance, des impressions ou des sentiments négatifs, hein, pour n'importe quel individu vivant, n'importe quel vivant, quel qu'il soit, quelle que soit son espèce, la détresse, l'angoisse, par exemple. Oui, oui. Et qui sont, évidemment, ne peuvent pas être amenés sur une façon moderniste de jouer l'animal-machine à des purs sentiments biochimiques. Oui, ce qui est très intéressant, je crois, dans ce qui se passe de très intéressant dans le droit en ce moment, dans le droit positif, c'est que le législateur, d'une certaine manière, si les barreaux de la chaise sur laquelle il a installé le droit de l'homme à disposer des animaux, puisque il leur reconnaît, vous l'avez dit, la sensibilité à la douleur, mais aussi à la souffrance, à l'angoisse, à la détresse, hein, dans la directive 2010. Donc évidemment une vie psychique, hein, une présence complète de l'individu à ses propres expériences. Donc il souhaite le protéger de ça, et dans le même temps, le législateur voue massivement les animaux à la violence. Et cette contradiction, combien de temps pourra-t-elle être active ? Cette respiration musicale, cette pause proposée par Dany Journeau, toujours ce rendez-vous de Continent Science dévolu au droit animal, au droit animalier, les deux à la fois, au droit des animaux, les trois à la fois. Je voudrais vous solliciter, monsieur de Limoges, Jean-Pierre Marguenot, sur La directive 2010 dite 63, qui est une directive européenne, hein, si je me trompe, et qui date du 22 septembre 2010, et qui est relative donc à la protection des animaux, on voit bien que là est stipulé, sont stipulées ces considérations qu'on a eues, en tout cas ces aspects de certains attributs, on va dire, dévolus, donnés aux animaux, ou reconnus plus exactement, pardon de chercher mes mots, reconnus aux animaux, comme la souffrance, ainsi de suite. Est-ce que ça c'est une date importante dans l'observateur juridique que vous êtes ? Très importante, reconnaître que les animaux sont aptes à la douleur, à la souffrance et à l'angoisse, c'est une avancée qui peut faire presque tout basculer petit à petit et qui peut permettre de reconsidérer du point de vue du droit, cette fois les droits des animaux, le passage entre les droits moraux tels que les entendent les philosophes et les droits au sens des juristes peut s'appuyer sur cette connaissance de l'aptitude des animaux à souffrir, à ressentir l'angoisse et la douleur. Et je voudrais de ce point de vue revenir un peu sur ce que Florence a dit il y a quelques minutes et ce que vous avez dit aussi. Oui. Les droits des animaux du point de vue du juriste, je crois qu'il faut bien distinguer deux possibilités. Et la première, c'est de leur reconnaître des droits comparables à ceux des êtres humains, avec les objections que cela peut entraîner de part et même quelquefois d'autre. Mais il y a aussi une autre modalité qui serait de leur reconnaître une personnalité technique. Oui. Une personnalité comparable à celle dont sont revêtues les personnes morales, les associations et les sociétés anonymes sans que ça ne choque personne. Et moi je soutiens depuis longtemps qu'on pourrait débloquer une partie de la situation en reconnaissant aux animaux de vrais droits, mais des droits comparables à ceux qui existent déjà pour les personnes morales avec des systèmes de représentation de ces personnalités animales devant les tribunaux en distinguant suivant les animaux sans être obligé de reconnaître autant de droits à la puce et au chien par exemple. Oui. Et je crois que à partir du critère de la reconnaissance de la sensibilité des animaux par le code civil et de la directive de 2010 que nous venons d'évoquer, il y a moyen de construire pour aller plus vite de l'avant en soustrayant les animaux au régime des biens auxquels ils sont encore soumis malgré la réforme de 2015. Alors j'ai appris à vous lire, bien sûr, que des questions, ou plus exactement des situations faisaient problème, en particulier vis-à-vis est-ce qu'on peut considérer la responsabilité du microbe. Alors évidemment, on prend le cas de la myxomatose, hein, un médecin qui s'agace de voir des lapins de Garenne manger ses récoltes, enfin ses biens qui poussent, et qui donc trouve l'agent de la myxomatose, et on se retrouve quelque temps après avec plus de lapins nulle part, sauf dans quelques départements de France et de Belgique. Donc on voit que la question que se pose le droit va, et là encore j'ai été très très étonné de ce registre de questions que vous abordez, qui sont très très intéressantes, de définition qu'est-ce qu'un animal, parce qu'est-ce qu'on peut tenir un virus pour celui qui le porte. Vous prenez là encore un autre exemple, hein, quelqu'un vient donc d'une école où on apprend les métiers de l'élevage, avec un ténia dans le ventre, et puis ce ténia va infecter toute la population, et là le propriétaire va se retourner à travers l'école qui a donc formé ce garçon sous prétexte qu'il a apporté le ténia. Quel cas de figure incroyable. Oui, il y en a bien d'autres. Ah oui. La question c'est de savoir si pour le microbe ou le ténia on peut être gardien de ce type d'animaux-là et d'être responsable des dommages qu'ils provoquent sur des bases assez radicales telles que celles qui résultent de l'article 1384 ou 1385 du Code civil. Alors je vous propose maintenant de recentrer, de poser vraiment ce qui est la question clé, d'une certaine façon, sur le versant philosophique et fondamental, Florence Burga, c'est les animaux, à nouveau frais et à nouveau sollicitation d'arguments. Les animaux sont-ils des êtres de droit, au même titre que les humains? C'est une des questions vraiment clés. Évidemment, ils sont des objets ou des êtres de droit dans les législations appliquées, qui sont toutes différentes, en plus éparpillées dans différents codes, vous le soulignez tous les deux à plusieurs reprises, et vous, Florence Burga, particulièrement, le code civil, le code rural, des sous-départements des codes ruraux, enfin bref, c'est très compliqué. Est-ce que, comme les humains, les animaux, donc, sont des êtres de droit? Alors, est-ce que vous voulez dire... Ils observent entre eux des relations qui sont déjà des relations de droit? Oui. Ou est-ce que vous voulez dire, ont-ils des droits? Les deux. Les deux. Alors, ont-ils des relations de droit? Là, je préférais que Jean-Pierre réponde à cette question, puisqu'il l'a développée dans son livre « Les animaux conscients du droit ». Donc, Jean-Pierre... Oui, c'est quand même assez marginal comme situation, mais on a... On peut le dire brièvement. On a observé des cas dans lesquels des animaux d'une grande force physique s'inclinent devant les prétentions territoriales de plus petits animaux qu'eux. Et ce qui est déjà une sorte de relation juridique qui fait l'économie de rapports de force pour faire prévaloir une règle. Mais bon, c'est pas un phénomène très très répandu. Mais ça peut s'envisager. Et dans ce cas-là, on pourrait vraiment parler de droit animal. Mais comme c'est très peu répandu, il vaut mieux parler de droit animalier pour réserver ce cas. Alors, droit animalier, retour donc à ce champ d'idéalité d'une certaine manière, puisque, prenons deux auteurs, dans le cas de la philosophe Nussbaum, qui est une philosophe américaine, pour elle, il n'y a pas de question, d'une certaine manière, si je puis dire, puisque les animaux sont des sujets. Ce sont des personnes. Alors là, on est dans droit des animaux, plutôt que droit animalier, du coup. Oui, oui. Et, bien sûr, et alors quelqu'un qui a une toute autre position, et ça roule à nouveau, et peut-être c'est le préalable, et il faut y revenir sur ce que sont les droits inaliénables. Comment est-ce qu'on peut considérer les droits inaliénables qui s'attachent donc à la personne humaine? Il n'y a pas, ça n'est pas le résultat, la conséquence d'un effet délibératoire. Oui, mais vous avez tout à fait raison, parce que là, c'est la grande ligne de partage entre deux grandes conceptions du droit. Soit on considère qu'il existe des droits, qu'on va donc appeler des droits moraux, qui s'attachent aux individus en raison de ce qu'ils sont. Et donc, par exemple, Reagan répond très bien à cette question dans son livre avec la notion de sujet de droit. Oui. Dès lors qu'il y a une présence psychologique unifiée, des croyances, des désirs, etc. Des projets, qu'il y a vraiment cette présence au monde d'un individu qui évidemment fait un avec sa propre existence, alors cet individu, de fait, de toute éternité, de manière inhérente, a des droits. C'est le droit du sentient. Voilà, c'est le droit du sentient. Alors, est-ce qu'on adhère à cette conception du droit ou pas? Est-ce qu'on considère, comme beaucoup de gens, que non, le droit, c'est simplement ce que l'homme décide? L'homme décide que telle entité a des droits, telle entité n'en a pas. Alors évidemment, ce qui est très gênant pour le philosophe, me semble-t-il, c'est que nous sommes tout de même en quête de fondement de ces droits tels qu'ils sont édifiés par le législateur. Et ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse, je crois, très importante. C'est que vous entendez beaucoup de gens aujourd'hui dire « Nous avons des devoirs envers les animaux, mais ils n'ont pas de droits. Oui. » Et je crois que c'est un contresens, parce que cela veut dire... Enfin, on ne comprend pas pourquoi on aurait des devoirs envers les animaux si... ça n'est pas en raison de droits qu'ils ont contre moi. Et cela revient à fonder mes devoirs simplement sur mon bon vouloir et non pas sur et non pas de les attacher à l'entité bénéficiaire de ces devoirs. Si je considère que j'ai des devoirs envers les animaux, qu'ils doivent bénéficier de quelque chose me concernant, c'est précisément parce qu'ils ont des droits contre moi. Alors la position de Reagan, qui est celle qui est, on va dire, dans sa présentation la plus déductive d'une certaine manière et la plus fondamentale, commence avec l'idée de ce qu'il appelle la valeur inhérente du vivant. C'est une valeur absolument inhérente que celui qui a une expérience de vie. Donc, à l'évidence, à ce moment-là, on ne fait plus de distinguo entre celui qui peut exprimer son droit, revendiquer son droit, puisqu'évidemment, on a toujours aussi l'objection du propre de l'homme, c'est-à-dire que les chevreuils ne protestent pas parce qu'on va les tuer, bien évidemment. Ils ne protestent pas, mais ils résistent. Ils résistent comme un enfant résisterait, comme un malade résisterait à un mauvais traitement. Et nous sommes donc, nous qui défendons cette conception du droit, attentifs à tous ces signes, évidemment. Alors évidemment, il y a d'autres gens comme la philosophe espagnole qui s'appelle Pierre Cortina, qui dit que seuls les hommes ont une responsabilité morale. Donc, elle est évidemment pas contre les droits des animaux, hein, mais que c'est les droits que qu'on leur concède à juste titre. Alors au fond, Reagan aussi dit bien que, parce que lui pense les animaux comme des patients moraux, donc comme des individus qui ne sont pas dans la vie morale. C'est-à-dire qu'il considère qu'il y a en effet des entités bénéficiaires de droits, mais qui ne peuvent pas elles-mêmes avoir une conduite morale et reconnaître des droits. Donc, est-ce qu'on franchit ce pas ou pas? Je crois qu'on peut parfaitement concilier l'idée que, par exemple, le propre de l'homme, c'est précisément cette responsabilité qu'il est capable de formuler, d'intérioriser, de transcrire comme une obligation, et que, précisément, cette disposition nous donne une supériorité qui nous oblige. Donc je crois qu'il n'y a pas de contradiction et qu'il n'est pas du tout, enfin que cette démarche ne passe pas du tout par un abaissement, parce que beaucoup de gens ont peur de ça, par un abaissement de l'humain, bien au contraire, l'humain a cette singularité, en tout cas lorsqu'il est majeur, autonome, etc., de pouvoir reconnaître le bien, le mal, et de pouvoir donc s'empêcher aussi de certaines conduites. D'ailleurs, il est exprimé de plusieurs façons et selon des voies différentes, puisque vous êtes une triade d'auteurs sur le fait que la réflexion sur les droits des animaux, en particulier sur les droits inaliénables, donc sur les droits inaliénables dont font aussi partie les droits inaliénables de l'homme, hein, dans sa revendication de protection, et ainsi de suite, c'est aussi une dimension politique que peut apporter aux droits positifs cette réflexion-là étendue aux animaux. Alors maintenant, on va aller dans le brutal. Évidemment, nous sommes tous, enfin majoritairement, et la chose est d'une certaine façon un peu terrible, nous sommes des viandards d'une certaine façon, c'est-à-dire que nous avons besoin de l'escalope, du beefsteak, et évidemment là, les choses sont à l'ordre du jour, on a vu les conditions, ou d'ailleurs, quand il y a des plaintes, les tribunaux traînent un petit peu pour la justice. Je fais une citation d'un livre qui montre que, c'est extrait d'un roman, qui montre que d'ailleurs la fiction peut être au service de cause aussi, bien sûr, et qui s'intitule « Défaite des maîtres et possesseurs », on aura bien sûr reconnu le présupposé, ou plus exactement le petit coup d'œil du côté de Descartes. C'est signé Vincent Message, donc c'est un roman publié au Seuil, et qui écrit à un moment la chose suivante, citation courte: on les transporte la nuit pour qu'ils aient moins de repères et pour que la chaleur ne les fasse pas étouffer. Ils ont peur, ils ne savent pas où ils sont ni pourquoi on les déplace. Est-ce qu'ils ont tout de même, alors, de sortir des camions, une petite idée de leur destin? Difficile de le savoir. Une fois encore, ils ne parlent pas. Peut-être sentent-ils juste que le moment est venu, quoi que cela veuille dire dans leur tête, lorsque dans les fermes, on les fait se réveiller à une heure pour eux très inhabituelle et sortir pour la première fois depuis des années des hangars. C'est là, disent les agriculteurs, que l'angoisse est la pire, car tout est inconnu, tout est incompréhensible. Je crois que simplement dans cette phrase et dans ce paragraphe plus exactement sont résumées la condition animalière, en tout cas de ces animaux considérés comme des biens marchands. Donc, votre sentiment, Florence Burga, du point de vue de la philosophe, et puis après je vous... Alors j'ai lu le roman de Vincent Message et je l'ai beaucoup apprécié. Je crois que vous avez bien fait de choisir ce passage et cette phrase, hein, « Tout est inconnu, tout est incompréhensible ». Je crois que c'est très fort, hein, de souligner qu'en effet, les animaux ne comprennent pas ce qui leur arrive et que leur angoisse, bien évidemment, est liée aussi au fait que, en tout cas, ce qu'ils sentent, c'est que rien de bon ne va leur arriver, puisqu'ils quittent le seul endroit qu'ils connaissent et qui est généralement normalement du reste un bâtiment clos, pour partir dans les camions vers l'abattoir. Oui, avec évidemment tout ce qui est contrarié, avec le fait que l'on mette rapidement, on pourrait citer mille dimensions de la chose, mais tout le monde au même statut, c'est-à-dire aux viandes qui sont, ou plus exactement aux animaux, qui sont abattus de façon rituelle, en particulier donc selon la religion mosaïque ou selon la religion islamique, avec une certaine manière qui est l'égorgement stricto sensu, hein, dans cette circonstance. Alors, je vous voyais hocher de la tête, oui, Florence Burga. Oui, je hoche de la tête parce que je voulais simplement ajouter que oui, cet abattage rituel se fait donc sans étourdissement. Mais ce que les enquêtes de longue date, ce que les vidéos révélées par L214 ont montré, c'est que cette absence d'étourdissement est malheureusement généralisée. Voilà. Oui. On voit partir des animaux vivants sur les chaînes pendus, voilà, par les pattes, bien sûr. Ça n'est pas conforme à la réglementation et c'est l'ordinaire des abattoirs. Un commentaire, Jean-Pierre Marguenot, à ce point? Le commentaire, c'est que là, plus qu'ailleurs, il y a un décalage phénoménal entre ce que disent les textes et leur application concrète. Et l'action de L214 est assez exemplaire parce qu'elle permet de mettre sous les yeux de tous ce qui se passe en réalité. Mmh. Et ça peut être un moyen de dynamiser l'action des tribunaux pour réprimer, comme il se devrait déjà depuis longtemps, ce type d'action. Ce qui amène à se poser la question de savoir si l'initiative de l'actuel ministre de l'Agriculture de créer un délit de maltraitance, c'est quelque chose de bien utile, et si on ne risque pas de faire doublon ou écran ou brouillard par rapport à des textes, notamment l'article 521-1 du Code pénal qui incrimine déjà, sous la menace de 2 années d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, des actes de cruauté ou des sévices graves qui semblent correspondre à peu près exactement à ce qu'on a vu sur les images de L214. Oui. Alors peut-être qu'on peut tirer deux types de considérations. La première, elle est positive à mon sens, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la défense des animaux, elle passe aussi et elle est très très aidée par les progrès de l'éthologie. Elle est très aidée par les progrès de l'éthologie dans un certain sens, c'est-à-dire qu'il y a une majoration totale, et on le voit bien pour les partisans du propre de l'homme, quelle que soit leur figure qui se reproduit dans l'actualité, et qui sont parfois invités aussi sur les traiteaux médiatiques, bien sûr, pour répéter cette chose, oui, mais ils parlent pas, ils ne sont pas loquins, et puis surtout, ils ne sont pas autoréflexifs. Et donc, à partir de là, il y a une déconsidération totale, en tout cas du statut, on va dire, ontologique de l'animal par rapport à l'homme, qui a une spécificité extravagante d'intelligence, et évidemment pourvoyeur de mathématiques et de grands chefs-d'œuvre. Hein. Alors, quand on voit simplement, dans l'exemple que j'ai primé, on pourrait en prendre d'autres, là c'était le grognement de plaisir, et en même temps qui fait signe, chez les gorilles, mais on peut tout à fait prendre aussi la horde que l'on peut trouver de chevaux qui sont en Namibie, qui sont des descendants de l'armée allemande à l'époque du colonialisme, et qui ont été étudiés de très près, où on voit, et d'ailleurs c'est la personne, il y a beaucoup de femmes qui font progresser curieusement les sciences de l'éthologie. C'est absolument certain, en tout cas pour ce qui est de la primatologie. Elle s'est rendue compte qu'il y avait un système de vote. Alors là encore, on peut dire que c'est métaphorique, mais il y a un vrai vote démocratique, c'est-à-dire en particulier pour prendre la direction d'un point d'eau. Eh bien, quelqu'un dit, ça sera l'Ouest, un individu de la Horde, quelqu'un, un autre individu, je dis quelqu'un, vous voyez, je les personnalise. Et non, ça sera plutôt Ouest. Et puis, il y a un moment d'expectative dans la Horde, et puis on voit très bien qu'au bout d'un moment, il y a un attroupement majoritaire, et celui qui était pour partir à l'Est est suivi. On peut pas appeler ça autrement qu'un vote. Évidemment, il n'est pas délibéré, on n'a pas fait d'affiche. Il n'y a pas de couleur d'affiche chez les chevaux. Oui, je crois qu'il faudrait que les, comme vous les appelez, bien les partisans du propre de l'homme soient quand même un peu plus ouverts à toutes ces manifestations. Et soit prêt à admettre que les animaux vivent aussi dans un univers symbolique et que le logocentrisme ne doit pas faire écran absolument à toutes ces compréhensions. Du reste, les gens qui s'occupent des enfants, que ce soit des pédopsychiatres ou des psychologues, disent qu'ils ont eu exactement le même problème que ceux qui essaient de faire valoir tout cela chez les animaux, que l'enfant était considéré, jusqu'à une date récente, comme un adulte lacunaire, qui ne comprenait pas, c'est-à-dire quand on parlait devant lui, il ne comprenait pas. On n'était pas du tout attentif aux signes et au fait que ces voies de compréhension étaient autres que les nôtres. D'ailleurs, on peut en profiter aussi, c'est l'argument massu, et c'est un argument qui est extrêmement fort, c'est que quelqu'un qui est dans la démence précoce, dans la démence sénile, qui est dans l'enfance, qui ne verbalise pas, tout ça, ce sont des êtres de droit, bien sûr, et ils ne peuvent absolument pas, là encore, pour contrarier l'idée que l'animal ne peut pas exprimer la chose. Et puis, pour conclure, je voudrais dire que il y a, à travers la cause de l'animal, quelque chose qui engage pratiquement l'ensemble civilisationnel de l'espèce sapiens, parce que, faisons cette chaîne, on détruit les forêts primaires. D'ailleurs, à cette occasion, se lèvent des virus que jusqu'ici n'étaient pas répandus. Très bien. On plante du soja qui est transgénique. Pour nourrir quoi? Pour nourrir les fermes qui recueillent 1000 vaches. Le système devient totalement aberrant. Totalement aberrant. Là. Parce que il est élément d'un système, et tout forme système, et dans ce cas-là, tout répond de l'un à l'autre. Alors on est étonné aussi de voir que, par exemple, certains préconisent, c'est le cas de Jocelyne Porcher dans cette circonstance, très très calmement, c'est une autre version après tout, hein, beaucoup de choses s'expriment, c'est que on peut être d'amour, d'excellent compagnonnage, avec son petit veau, qu'on va enlacer tendrement sur le pré, et que l'on décapitera au moment de le consommer en famille. Ben oui, oui, on a du mal évidemment à garder son sérieux si ça n'était pas tragique en entendant ce genre de thèse qui pourtant trouve une certaine audience, mais je crois que c'est facile à comprendre. Les gens ont envie tout simplement que les choses continuent comme avant. Et quelqu'un vient leur annoncer que, bien sûr, égorger les animaux, c'est d'une certaine manière d'eux-mêmes hein, qu'ils offrent leur vie, puisque cette personne développe l'idée que les animaux nous font don de leur vie. Alors que répondre à une ineptie pareille? Oui. Et puis, qu'il est aussi du point de vue du juriste. Qu'il est aussi du point de vue du juriste, dites-vous, Jean-Pierre Marguenot, du côté de Limoges. Je suis encore obligé de le répéter à chaque fois pour ceux qui nous auraient pris en route dans cette émission. Mais plus explicitement, cela supposerait que l'animal consente à faire don de lui-même, alors que je ne crois pas que les choses se posent en fait. Terme-là, l'abattage, moi qui suis fils d'éleveur et qui ai participé à toutes les activités de la ferme jusqu'à un âge avancé, je crois que ça ne se pose pas en termes de don, mais en termes de trahison. Eh bien écoutez, on va finir sur cette idée, montrer en tout cas, et là vous pouvez que confirmer cette idée, la dernière, peut-être simplement d'un oui, Florence Burga, c'est que de toute façon tout est lié, et en tout cas la lutte contre, ou la défense des animaux est aussi liée à la vigilance écologique, n'est-ce pas, hein? Oui, ça, bien sûr. C'est dans la main. Hein? Merci à vous, en tout cas. Merci à vous, Jean-Pierre Marguenot. Je redonne le titre de l'ouvrage Le droit animalier, qui donc a pour auteur Jean-Pierre Marguenot, Florence Burga et Jacques Leroy. Il est publié au PUF. C'était Continent Science. Merci, bien sûr, de votre attention et de votre fidélité. Votre fidélité, vos remarques, pardon, sont toujours les bienvenues. Aujourd'hui, dans la cabine technique, c'était Pierrick Monsigny. Pour la documentation, toujours Thierry Beauchamp. Bien sûr, à la réalisation d'Annie Journeau, Stéphane Denis-Georges. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Il me reste à vous souhaiter un très bel après-midi en culture.